كتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلت dit encore, j'ai des occupés sur la FM, c'est des VRP, un peu c'est l'attention, c'est des à ses aspirations espérées, j'y pense, mais qu'a-t-elle dit sur la P? Qu'a-t-elle dit? Qu'ai-je dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'ai-je fait? Puisque c'est comme ça, je vais le fumer tout seul, le calumer. De B, de X, calumé, que je vais fumer, faudrait CD. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Énervé pour te donner l'énergie, au-delà des K.O. espéré, au son, je suis. Qu'a-t-elle dit? Du K.O. Puisque c'est comme ça, tu vas répéter toute seule la K.O.Briole. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Elle ne sera pas de peau ni de canne. La cabriole que je vais quitter. Elle dit encore, j'étais occupé. Tu ne sais pas comment je vais de la mettre à la transe. J'avais pris de l'avance. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Espérer, je suis à peine. Qu'a-t-elle dit sur la haine? C'est comme ça, je vais la trouver tout seul. La camisole, et elle ne sera pas de N, de M. La camisole que je vais trouver. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'ai-je fait? Elle dit encore, je suis occupé sur la FM. C'était RP, AP, c'est l'attention. C'était assez ses aspirations. J'y pense, mais qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Puisque c'est comme ça, je vais le fumer tout seul, le calumer. Et le son de B, de X, le calumer. Que je vais fumer, faudrait-il te céder pour ne pas t'énerver, pour te donner l'énergie? Qu'a-t-elle dit? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Elle dit encore, j'étais occupé sur la FM, c'était VRP, plus l'attention, c'était à ses aspirations. Espérer, j'y pense.